Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces Auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamo, 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa de Chibougamo souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamo qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamo est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamo est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, évidemment, on suit Pierre-Alexandre Bédard. Je viens de sortir le résultat sur le site internet du Canadian Pro Tour. Il serait 43e. Il aurait joué plus 2 hier, une carte de 74. Ça se poursuit aujourd'hui, c'est sûr que ce terrain... si je m'abuse, il me l'a dit lundi lors de l'entrevue, c'était la première fois qu'il allait à Hawkesbury. Ça arrive souvent que c'est des nouveaux terrains pour lui. Exemple, même au BIC, fin de semaine dernière, c'était nouveau. Ouais. Mais le rang comme tel est moins important que l'écart avec les meneurs. Okay. Plus 2, c'est quand même pas une mauvaise ronde. Ben là, il y a quoi? S'il était capable aujourd'hui d'aller chercher un moins 4, un moins 3, mais probablement qu'il se rapprocherait beaucoup des meneurs à la fin du tournoi. C'est ça qui est important pour lui. Puis, ben, il était 8 coups du meneur, Brent King. Lucas Dupéry, qui est de Boom Sassini également, 43e aussi. Puis tu vois, là, il y a quand même quoi? Il y a 1, 2, 3... Ils sont à peu près 8-9 autour sur un pied d'égalité. On dit 43e, mais c'est pas vraiment le rang comme les coups, comme tu dis. Là. 8 coups sur un année de 2 jours, on va oublier ça pour la victoire, là. Mais il peut quand même se rapprocher. Oui, c'est d'ailleurs probablement son objectif pour aujourd'hui, ouais, de faire mieux puis se rapprocher des meneurs. Oui, effectivement. Soirée des dames qui est en cours à Chibougamo toujours, mardi 4 juillet, membres et non-membres. Oui, donc on poursuit. C'est notre 3e rendez-vous des dames. À date, ça va bien. On a pratiquement tout le temps 10 de personnes qui ne sont pas membres. Mm. Donc, on est bien content de les recevoir. Fait que là, on fait un petit peu d'encadrement. Après ça, on fait une petite formule 4 balles, meilleure balle, pour leur permettre de faire le tour du terrain. Ça devrait être une formule bien appréciée des dames, mardi prochain, le 4. OK. Aussi, c'est la journée Calcutta qui va avoir lieu, la deuxième ronde qui va avoir lieu cette semaine. C'est ça. C'est la deuxième qualification de la Coupe des champions. OK. Donc, 4 catégories, formule individuelle, 18 trous. On devrait regrouper encore une trentaine de compétiteurs dans les différentes classes. Et on s'attend du beau golf. Si les conditions peuvent être un petit peu bonnes, les joueurs commencent à produire des bons pointages individuellement. Puis la majorité des meilleurs joueurs du club devraient être présents. OK. Donc, Michel, je sais que c'est loin, là. C'est très loin, Chibougamo, mais à Saint-Prime, il y a du dynamisme, c'est incroyable. Il y a le gros méga week-end golf, puis cette année, il y a un trou que si tu gagnes, tu peux aller à Las Vegas. Est-ce que, je sais que c'est loin, puis c'est beaucoup plus difficile pour vous, là, mais est-ce que vous envisagez éventuellement, ça a déjà venu à l'idée d'organiser un gros méga week-end golf, quelque chose de spécial, là? C'est sûr que Chibougamo, on va dire pour deux raisons. La première, c'est loin, hein? La première, c'est que chez nous, on a seulement un trou. Ouais. Donc, à la base, c'est pénalisant beaucoup. Okay. Tu peux attirer moins de monde, donc moins rentable, puis tu peux investir moins en promotion, publicité, ouais, et les prix pour les vainqueurs. Puis l'autre chose, c'est que la distance, il fait pour beaucoup. Ah, ouais, c'est on est loin de tout le monde un petit peu. Contrairement à Saint-Prime, qui est quand même très bien positionné au niveau du lac Saint-Jean. Donc, c'est pour ça que on est bien content pour eux, puis Ils ont développé une belle formule pour faire connaître leur terrain, le nouveau parcours. Mm. Puis on lui lève notre chapeau en termes de promotion puis de développement. Ah, c'est incroyable. Mais Michel, y en a-tu de ta connaissance qui vont venir l'essayer ici, des golfeurs de Chicoutimi qui vont aller le 18 juin essayer le poté? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je croirais pas. On a eu l'année passée qui était allé au concours de long frappeur. Okay. On va en avoir qui vont aller aussi à l'Omnium Saint-Prime au mois de juillet. Mais concours de potting, je ne penserais pas. Okay. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas, à date. Là. Okay. Ça fait-tu pas mal le tour? Y a-t-il d'autres choses à signaler? Je sais qu'il y a un tournoi, cette semaine sur la scène régionale. J'imagine qu'il y a des golfeurs de Chicoutimi qui vont y aller aussi. Oui, surtout que c'est à Dolbeau, donc c'est prêt. On devrait être possiblement entre 6 et 10 représentants de notre club ou en disciples pour Dolbeau dimanche. OK. Ben, merci beaucoup, Michel, on s'en reparle. Michel Lallemand, le directeur général du club de golf de Chicoutimi.